Le plus important pour moi d'abord ici, c'est de vous remercier, de remercier les organisateurs, de remercier Pierre en particulier pour son invitation, qui m'honore beaucoup et qui me fait poser beaucoup de questions, parce que c'est vrai que, d'abord je me suis posé la première question, c'est mon expérience des AdCamp me faisait dire que je n'avais pas souvenir, grand souvenir de conférence inaugurale. Je n'ai pas participé à celle de 2010, donc ici, donc, je ne peux pas, hein, je peux pas juger, mais pour ce que je connaissais, ça ne me disait rien. Donc, je me suis dit deux choses. La première, soit ça ne m'avait absolument fait aucun effet, et donc je sais bien ce que je ne dois pas faire, ou plutôt je vais essayer de faire autre chose. Et la seconde raison, c'est, tout compte fait, la seconde chose que ça m'a dit, c'est que ce soit original ou pas, c'est un défi. Faisons donc une non-conférence inaugurale. Ce qui, somme toute, est, me connaissant, relativement faisable. Dans la mesure où il faut d'abord partir d'un concept, et le concept que j'ai choisi, c'est celui du steampunk. Alors, pour deux raisons. La première, pour rendre hommage à un de nos collègues de la blogosphère avec lequel nous avions commencé il y a bien longtemps et qui est le dessinateur Boulet, dont, pour ceux qui connaissent, dont le septième tome des notes vient de sortir et qui est un grand adepte du steampunk. C'est, pour ceux qui connaissent un peu le blog, le monde du blog, c'est un personnage. Et ici, je lui rends hommage. Vous pouvez tweeter que désormais, je suis prêt à devenir son ami et aller boire des verres avec lui. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, la plus importante, surtout le steampunk, parce que c'est un mode de... Une réflexion, c'est plutôt une esthétique très intéressante qui est en train de monter, qui est en train de prendre de l'importance ces dernières années, depuis déjà quand même quelques années, depuis au moins une petite vingtaine d'années, mais fortement ces dernières années. Au départ, c'est un genre littéraire, un sous-genre qui, de la science-fiction dite uchronique, c'est une définition que j'ai récupérée de Wikipédia, hein, donc c'est sérieux, dont l'intitulé a été forgé par allusion au cyberpunk. Pour cette raison, il est plus approprié de parler de rétrofuturisme. L'expression steampunk, je continue la définition, c'est un terme donc, qui signifie punk à vapeur, au cas où vous auriez un souci de traduction, et peut-être traduite par futur à vapeur, terme inventé pour qualifier un genre de la littérature de science-fiction né à la fin du XXe siècle, dont l'action se déroule dans l'atmosphère de la société industrielle du XIXe. Le terme fait référence à l'utilisation massive, je cite toujours, des machines à vapeur au début de la révolution industrielle, puis à l'époque victorienne. À l'origine, c'est un genre littéraire. Mais le plus intéressant, c'est de voir que très rapidement, c'est devenu un genre en soi, qui s'est complètement répandu dans la société, qui est devenu un genre, un mode de représentation esthétique. Vous savez que de nos jours, l'uchronie a beaucoup de succès, et parmi les formes d'uchronie, le steampunk en est une très importante. Une des plus principales différences entre le steampunk et la science-fiction, c'est la présence d'éléments anachroniques plus tardifs, comme les ordinateurs, les manipulations génétiques, toute une forme d'humour. Donc l'idée, c'est de faire un décalage. Un décalage entre, d'une part, un contexte 19e siècle, et de l'autre, alors toute une technologie ou toute une aspiration à un progrès technologique qui, lui, est plutôt avant-gardiste, qui se voudrait aller plus loin que là où on est déjà. Pour ceux qui ont quelques connaissances de la série Stargate à la télévision, il y a des épisodes qui sont clairement steampunk, où on voit des gens vivant façon 19e siècle, avec l'œil américain évidemment, qui, à côté de cela, arrive à développer des armes de destruction massive avec pratiquement deux bouts de caoutchouc ou deux bouts de bois. Donc c'est très intéressant de voir ce système esthétique est en train de se développer. Et ce qui est d'autant plus intéressant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça se rapproche très fort, par certains cas du point de vue esthétique, de notre vision, de la vision actuelle qu'on peut avoir par certains côtés du numérique ou de l'évolution dans le digital. Je vous cite une partie de la définition, je vous mets ici une partie de la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia. Tandis que l'ère de l'électronique tend vers la miniaturisation, le grand fantasme, l'élément esthétique fondamental du steampunk est son gigantisme. demanda l'île de P3 et à sa salle de serveur. Cette technologie délibérément bloquée au stade de la machine à vapeur produit des constructions démesurées, complexes, extravagantes de tuyauteries actionnées par des leviers et des claviers aussi nombreux que compliqués. Les véhicules à vapeur semblent aussi lourds et difficilement maniables, nécessitant une très forte dépense d'énergie pour un rendement mécanique faible. Et surtout, enfin, le héros classique dans ce genre d'univers est le mécanicien de génie. On aurait pu dire le geek, ça aurait été aussi bien. À côté de ça, continuons dans la définition, les digital humanities désignent une transdiscipline porteuse des méthodes, des dispositifs et des perspectives heuristiques liées au numérique. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, nous appelons à l'intégration de la culture numérique dans la définition de la culture générale du XXIe siècle. Vous avez reconnu le manifeste des Digital Humanities. Je voulais poser ces deux termes de définition, parce que maintenant je vais les faire se télescoper. Ce dont je vais vous parler ici, c'est de ma vision, d'une vision totalement subjective, qui est soumise à mon expérience et à mes connaissances, quelle que soit leur qualité, des Digital Humanities, depuis déjà maintenant quelques années, presque une dizaine d'années, même davantage, si on voit les débuts, quand j'ai commencé à bricoler avec les bases Access. Donc là, c'était un peu plus long. Toute cette expérience, je vais essayer de l'utiliser pour vous commenter, en référant évidemment au steampunk, mais pas seulement, pour vous donner mon avis, ma vision de l'évolution actuelle des Digital Humanities. C'est une vision qui vous paraîtra probablement par certains côtés dure, voire négative, mais je vais essayer de vous présenter les choses telles que je les sens. L'objectif, c'est de vous faire bouger, donc de vous faire réagir. La première chose, d'abord, évidemment, la première couche d'interprétation du steampunk, forcément, c'est celle qu'avait donnée en son temps, il n'y a pas longtemps, c'était à peine il y a un an, dans un congrès sur les Linked Open Data for Ancient Studies, Andrew Reinhardt, qui lui-même, donc je n'étais pas le premier, je m'en suis rendu compte en travaillant le sujet, je n'étais pas le premier à avoir parlé de steampunk pour le Digital Humanities. Andrew Reinhardt avait commencé, il avait lancé un pavé dans la mare, en sortant ce qui était mon état d'esprit quand j'ai proposé le titre à Pierre, et il a proposé dans sa communication à ce congrès, il a proposé l'idée suivante que vous avez sous les yeux: The current scholarly publishing enterprise is essentially steampunk, 21st century work with 19th century models. Bon, ça veut dire bien ce que ça veut dire, et il y a quelque chose d'extrêmement violent là-dedans, mais en même temps quelque chose de très réaliste. Si je me réfère à toute mon expérience, tous les modèles éditoriaux que je retrouve en règle générale dans les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, parce qu'avant de me retrouver à l'Université de Louvain, j'étais, comme certains d'entre vous le savent peut-être, et je suis toujours d'ailleurs en grande partie attaché à l'IRHT, donc l'Institut de recherche et d'histoire des textes. J'ai dirigé la partie scientifique du... Et je dirige toujours la partie scientifique du Centre de ressources numériques Telma. Bref, l'expérience en la matière, j'ai pu rencontrer beaucoup d'équipes, et toutes ces équipes, pour beaucoup d'entre elles, ont cet état d'esprit décrit par Andrew Reinhardt. Ils arrivent avec une édition qu'ils veulent à tout prix placer directement sur le web. Cette édition est souvent une édition scientifiquement de grande qualité. Ils se battent pour la publier. C'est une édition qui est en PDF. Et on la met en ligne. On la met en ligne parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est une question d'abord de pression qui vient de très haut, qui vient de tous les niveaux de la recherche, de très haut. Il faut mettre en ligne ce genre de choses, même si nous avons d'autres perspectives par rapport à cela, même si nous voudrions faire passer, évidemment, un autre point de vue. Et je ne donnerai aucun exemple dans les quelques mots que je vous dis ici, parce que vous me connaissez, j'ai horreur de dire du mal des gens. Je ne donnerai aucun exemple, j'en maintiendrai simplement à un commentaire long sur les quelques éléments que j'ai pu retrouver ici ou là, les quelques éléments, et surtout un commentaire structuré autour d'un point de vue, autour de cette idée que justement il y a là des points de réforme, des points de changement nécessaires dans cette vision des digital humanities que nous avons actuellement. Donc le premier problème, en quelque sorte, c'est comment régler ce problème de l'urgence, de la publication, ce divorce constant encore actuellement entre le chercheur et l'ingénieur. Il y a là, entre les deux, et d'ailleurs, est-ce que le concept d'ingénieur est encore valide à ce niveau-là? Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est plus possible. Il y a là deux formes de... il y a le problème, un dialogue qui ne se fait toujours pas ou pas aisément. Donc, il y a, pour moi, une forte tension dialectique qui est continuée, qu'on ne retrouve pas seulement dans la publication pure d'un corpus, quel qu'il soit, parce que je peux parler d'un corpus ici en PDF, mais je ne vous parle pas des collègues qui arriveraient avec des corpus encore plus, dans des formats encore plus frustes ou encore plus problématiques. Soit parce qu'ils sont trop anciens, soit parce qu'ils sont dans des modèles qui nous font hérisser tous les poils, y compris lorsqu'on nous parle d'une édition qui, évidemment, irait très bien sur le web, pour peu qu'on la mette en point doc, parce que le contrôle F, tout compte fait, ça fonctionne fort bien. Donc, il y a là énormément de problèmes dans ce dialogue. Il y a une véritable dialectique. Et cette dialectique que vous voyez ici, elle se reproduit également sur d'autres dossiers, pas seulement sur la partie corpus textuel ou la partie corpus documentaire. Elle ne se produit pas seulement chez les chercheurs. On la voit également se reproduire dans d'autres domaines, par exemple le domaine des bibliothèques. On retrouve des problèmes similaires. C'est vrai que les bibliothèques ont 10 longueurs d'avance par rapport à la recherche du point de vue de l'appropriation des nouvelles techniques, du web sémantique, par rapport à l'appropriation des concepts des bonnes pratiques d'édition et d'archivage pérenne, par rapport à l'utilisation des moteurs de type ou des ontologies, n'empêche que beaucoup de bibliothèques, surtout à des niveaux locaux, parce que je ne parle pas de machines de guerre comme la BNF, à des niveaux locaux, on se trouve, donc au niveau des collectivités territoriales, il y a une pression qui est faite par le haut, une fois de plus, par les collectivités elles-mêmes, pour que les collections soient publiées de manière très rapide, très fruste, éventuellement même dans des formats qui sont comparables au format que j'ai cité tout à l'heure, avec des métadonnées extrêmement frustres également, le Dublin Core du bas du tableau, rien d'autre, quand simplement les bibliothèques ou les dépôts d'archives ne disent pas tout naturellement, une partie est visible sur le web, pour le reste, venez chez nous et vous pourrez avoir accès à tout. Donc, une sorte de libre accès à deux vitesses qui se trouve malheureusement être une constante et qui est non pas commandée par les bibliothèques elles-mêmes ni par les archives, mais par les collectivités. Donc, il y a un problème entre une demande d'un côté, entre une capacité de production et d'autre part des règles, un règlement, une organisation qui, elle, se trouve en porte-à-faux. Alors, nous avions de grands espoirs pour régler le problème. Pour régler ce problème de l'utilisation de formats nouveaux, de l'utilisation de nouveaux. Pour mettre en œuvre ces fameuses bonnes pratiques qu'on connaît bien maintenant, pour mettre en œuvre toute une série de procédures d'archivage pérenne, pour participer aux grandes procédures d'interopérabilité. On avait beaucoup d'espoir que ça puisse décoller assez vite. On avait énormément d'espoir. Il y a donc, quand on a lancé les opérations, on a lancé vraiment les Digital Humanities en France. Voilà, à peu près, maintenant, on peut dire 5 années qu'on a pignon sur rue, que les Digital Humanities ont à peu près pignon sur rue. On pourrait dire à peu près 5 années, peut-être plus si on compte les gens du terrain, mais vraiment, dont on peut se dire que là, on est reconnu. Je me Là, l'exemple pour ça, c'est un exemple personnel aussi, c'est un exemple qui tient à l'IRHT, donc je peux le dire. Je me souviendrai donc toute ma vie du moment où on avait lancé la plateforme Telma, et pendant des années, cette plateforme Telma a peiné à démarrer parce qu'on n'avait pas de reconnaissance institutionnelle au niveau de l'IRHT, on n'était pas reconnu. On l'avait lancé entre, donc c'était un partenariat à l'époque, IRHT École des Chartes, ça marchait très bien, sauf que ni l'École des Chartes soutenait bien, pardon, Telma, mais du côté de l'IRHT, on ne comprenait pas à quoi ça pouvait servir. La direction était relativement perplexe par rapport à ça. Et c'est quand on a fait alors une démonstration, 2 ans après la publication, quand nous avons réussi à faire des démonstrations et à convaincre in fine la direction, juste au moment d'ailleurs où elle partait, c'est ça qui était intéressant, eh bien, quand on a réussi à convaincre cette direction de l'importance de l'objet, en parallèle, d'ailleurs, se mettait en place toute une série d'autres pratiques, d'autres projets similaires un peu partout en France. Donc, ça avait sonné probablement dans l'oreille de la direction alors et qui s'était rendu compte de l'importance de la chose. Et tout d'un coup, les portes nous ont été grand ouvertes, à tel point que ce qui était auparavant la grosse verrue sur le dos de l'IRHT, pour rester poli, est devenu tout d'un coup un fleuron, est devenu une arme importante pour le soutien et pour la grandeur de l'institution. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que les choses ont été mises en place, même si, évidemment, on espère toujours que de nouveaux moyens viennent, mais la vie, vous savez ce que c'est. Les budgets ne sont pas toujours au CNRS à la hauteur des espérances et des travaux. Enfin, on va passer là-dessus, on n'est pas là pour se plaindre, on est surtout là pour essayer d'avancer. Et surtout, pour vous dire, c'est l'objectif donc de cette comparaison, ou de cette image, plutôt de ce souvenir, c'était pour vous montrer l'importance de ce changement qui a eu lieu il y a 4 ou 5 ans. Et donc, il y a 4 ou 5 ans, on s'est dit, voilà, c'est parti, on va enfin pouvoir décoller dans ce grand dialogue. Et on misait beaucoup sur les bornes digitales. Et on mise toujours beaucoup sur les bornes digitales. Donc, ces gens qui sont nés dans le monde numérique. Il faut avouer que les jeunes que l'on retrouve maintenant à l'université, que je retrouve à l'université là où je suis, donc à Louvain ou que j'ai retrouvé ailleurs, j'espérais d'ailleurs beaucoup à l'époque, je misais beaucoup sur leur côté bornes digitales. Eh bien, je suis revenu de cela. En fait, ce sont plutôt des Facebook digitales. Le problème, c'est que, de fait, on est très loin de cette appropriation du numérique en tant que tel. Lorsque je propose, ou lorsque l'on propose à des chercheurs très jeunes qui viennent d'arriver, qui sont en piste, qu'ils soient en thèse ou autre, de se lancer, ils peuvent se lancer dans un carnet de recherche. Ça, ils peuvent le faire. Et ça correspond bien, en quelque sorte, au cadre du réseau social qui est en train de se développer. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais lorsqu'il s'agit d'aller plus loin dans l'appropriation des techniques Digital Humanities, même de manière assez distante, il y a comme un blocage, en tout cas, il y a une interrogation. Il n'y a pas de réelle appropriation des Digital Humanities directe. Il faut un certain temps et il faut beaucoup de temps pour que ça se mette en place. Deuxième espoir, les historiens programmeurs. On va en parler encore demain. Demain, c'est ça. Enfin, du moins, je l'espère. Et je sais que ça fait l'objet de beaucoup de discussions ces derniers temps. Vraiment, ces temps récents. Et là, sur ce concept des historiens programmeurs, je suis très perplexe aussi. Mais donc, je jette là ma pierre dans le marais, dans le marigot de la discussion, qui sera d'ailleurs dans lequel tout le monde se dépêtrera demain. Donc là, voilà mon avis déjà. Je pense que ce concept d'historien programmeur est dangereux et en tout cas n'a pour l'instant pas donné de résultat, comme le concevait le roi Ladurie, c'est-à-dire comme un historien tout d'un coup capable de jongler qui avec du Python, qui avec du Java, qui avec voire même du Perl, car en effet le problème c'est ça, c'est que beaucoup de ces historiens, on en connaît beaucoup d'historiens programmeurs actuellement qui ont en effet appris le métier, appris la programmation et qui programment. Ils programment fort bien. Le problème c'est que un historien a une vie d'historien déjà bien remplie en soi, une vie de recherche. Lorsqu'à un moment ou un autre, il se lance en profondeur dans une démarche d'apprentissage technologique, un langage, une programmation, il s'y lance à fond, et puis alors il applique cette technique à son objet de recherche. Mais vient alors le reste de la vie. Et le reste de la vie, ce sont les charges d'enseignement, c'est la recherche qui se développe, c'est la création de projets ANR, et il n'y a plus la possibilité matérielle de développer ce savoir, de le faire évoluer, de mettre en place pour lui-même une veille, et puis de continuer à développer son savoir-faire technologique. Et ce savoir-faire technologique se retrouve donc bloqué à un instant, à un temps T. Et ce ne serait pas grave si l'historien lui-même accepter que son savoir technologique est dépassé. Or, le problème, c'est que beaucoup de ces historiens, pour l'instant en tout cas, sont persuadés que leur langage qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent parfaitement est la boîte à outils, la boîte à la machine, le couteau suisse parfait. Et il y a en effet ainsi des chercheurs qui bloquent des processus d'avancement dans une discipline parce qu'on ne peut pas arriver à faire passer cet outil vers autre chose. J'ai souvenir, là, il y a quelques jours à peine, d'un chercheur me disant « Oui, c'est très bien, c'est magnifique, vous avez fait passer ma base de données de type codicologique, on va dire codicologique, hein, on ne dit personne, donc codicologique et paléographique sur un autre support, on va la faire passer en PHP, c'est déjà bien, le PHP, vous imaginez, pour... Mais enfin, moi, j'aimais bien mon ancien système. Est-ce qu'on peut le laisser à côté pour tous les autres chercheurs qui sont habitués ? Donc, et c'est exactement ça, l'état d'esprit de ces chercheurs. C'est une difficulté terrible à passer, à évoluer, et donc à passer à autre chose. Donc forcément, le risque, c'est un blocage. Le risque, c'est un blocage dans, justement, cette... évolution, c'est ce processus d'adaptation, de construction de Digital Humanities avec des chercheurs qui n'arriveront pas à accepter ou qui ne voudront pas accepter, qui ne voudront pas tout simplement évoluer vers des processus naturels dans la recherche qui sont des processus d'évolution et de développement. Donc voilà, pour moi, un historien programmeur, ça reste dangereux. Ou alors, il faut envisager, et je pense que ça, c'est la solution vers laquelle tout le monde se tournera, il faut envisager un historien programmeur qui soit davantage un historien avec une teinture de Digital Humanities assez forte pour comprendre ce qu'il y a derrière et qui suive cette teinture, qui soit en contact direct avec des gens qui puissent lui instiller régulièrement, lui faire prendre conscience de l'évolution des choses et lui donner les moyens d'une veille rapide et efficace. En fait, ce dont les chercheurs ont besoin, c'est de se dépêtrer dans la masse de données, la masse de culture Digital Humanities. Bon, je suis ravi du nombre de colloques, du nombre de conférences, du nombre de journées d'études, du nombre de symposiums, du nombre Digital Humanities. C'est parfait. Ça a la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe, mais un chercheur ne peut pas, un chercheur lambda, quel qu'il soit, ne peut pas se débrouiller là-dedans. Comment voulez-vous qu'il arrive à trouver les quelques éléments qui puissent lui montrer vers quoi on va et vers ce qu'il faudrait faire ? Donc là, il y a un processus de rationalisation qui est à mettre en place, ou en tout cas, il y a un dialogue qui est à restaurer. Continuons. Avec autre chose, d'abord je vais corriger, ici, j'ai horreur des fautes d'orthographe, c'est évidemment pas l'une idéologie, c'est l'idéologie. L'idéologie du steampunk, deuxième couche, ou plutôt je remets une couche. Nous, après avoir donc vu cela, vu ce problème de l'esthétisme, pour l'instant on reste à un niveau relativement esthétique, on n'est pas vraiment, il n'y a pas de problème technique, on n'est pas confronté réellement à un danger pour la recherche elle-même, on est confronté simplement à un ralentissement parce qu'on n'est pas, en dialogue. Mais le problème, c'est que le steampunk peut être considéré comme une idéologie, c'est-à-dire comme une façon, comme une façon de voir ou de conceptualiser les les données historiques du point de vue avec les digital humanities, mais à les, en quelque sorte à les figer ou en tout cas à les bloquer à un certain niveau. Je pense, vous allez comprendre où je veux en venir, que nous sommes arrivés à un certain palier dans le développement des digital humanities. Je pense qu'on arrive à un risque j'ai dit une forme, mais j'aurais peut-être plutôt dû écrire un risque d'appauvrissement des données. Ouais, j'ai même des difficultés à le dire. C'est vrai que ça me fait mal. Mais c'est une réalité, selon moi. On arrive à davantage un appauvrissement des données plutôt qu'un enrichissement de ces données ou du donné par la voie numérique. L'appauvrissement, c'est un concept très dur, très fort, mais je vais essayer de vous expliquer en quoi, justement, on risque un appauvrissement. D'abord, j'ai pu voir que dans beaucoup de... chez beaucoup de chercheurs, et il n'y a pas longtemps, en fait, pour me préparer, je vais tout vous dire, pour préparer ma conférence, je me suis dit, quelle démarche heuristique vais-je prendre en main? Ça, ce serait intéressant aussi, c'est aussi un sujet qu'il faudrait mettre en place. Comment développer un... Donc, pour le DATCAMP, c'est comment mettre en place une heuristique digital humanities à partir des données. Fin de la parenthèse. Pour moi, mon heuristique, je vous l'explique. Comment j'ai mis en place ma conférence? J'ai décidé de prendre 3 semaines de tweets. J'ai pris tous les tweets que j'ai reçus depuis 3 semaines. J'ai été voir chacun des sites, chacun des liens auxquels on me renvoyait. En me disant, ça me fait un état qui vaut ce qu'il vaut, mais un état de la situation de réflexion de tous les gens qui travaillent en digital humanities que je connais et avec lesquels je travaille. Et en faisant cela, je me suis rendu compte de tous ces éléments que je vous livre ici. Le premier, c'est « vive le texte ». C'est un terme qui n'a pas été utilisé comme tel, mais qui c'est une façon de voir les choses qui a été développée par un chercheur anglo-saxon du nom de Hitchcock, si je ne m'abuse. C'est un lien qui m'avait été renvoyé, je pense, par Frédéric Claver. Donc là, cet article, cette note de blog disait clairement, on n'a plus besoin du livre. C'est un chercheur digital humanities qui disait cela. On n'a plus besoin du livre. En effet, lorsque ce livre passe dans le format digital humanities, passe dans le monde des digital humanities plutôt, le concept de livre devient secondaire et on entre dans une autre perspective par rapport aux données. Ça veut dire que le métier d'historien lui-même qui était basé sur le livre et l'appropriation du livre par le chercheur, on parle d'historien, mais on pourrait parler de n'importe quel chercheur en sciences humaines, le chercheur qui s'appuie sur le livre comme élément de référence, combien avez-vous publié de livres, combien avez-vous publié d'articles, combien avez-vous de livres dans votre bibliographie, quels sont les livres les plus récents, bon, voilà. Donc le livre est en effet un élément emblématique, et pour ce chercheur, le métier se déconstruisait, en quelque sorte, grâce à cette disparition du livre en tant que tel et qui était donc remplacé par le texte. Le problème, c'est que le texte, ça n'existe pas. Le texte n'a jamais existé par lui-même. Le texte n'existe que parce qu'il a été conçu dans un cadre précis, c'est-à-dire dans le cadre d'un livre, dans le cadre d'un article, dans le cadre d'une note de blog éventuellement, mais le texte est conçu comme... est conçu de manière complètement liée intellectuellement à l'objet matériel de départ, que ce soit un objet matériel format livre ou un objet matériel format note de blog, si on peut parler de format matériel. Donc, le livre n'est en quelque sorte pas mort, l'objet de départ est toujours à prendre en considération. Le texte en soi n'existe pas. Un texte est lié à son contexte culturel de lecture, de production, et on ne peut pas le dégager de ce contexte-là. Donc le risque que nous poursuivons tous actuellement avec les digital humanities tels qu'on les voit et l'évolution des choses, c'est qu'on dégage de plus en plus l'ouvrage en tant que tel, qu'on le dégage de ses origines, ou en tout cas, il faut faire attention à ne pas prendre en considération cet élément-là. L'autre élément, vive la donnée. Là aussi, le fantasme est devenu, pour l'instant, et on en parle tout le temps, et c'est une bonne chose, la donnée. Et tout le monde nous parle des data, la donnée C'est un objet absolument essentiel. On a l'impression, ou on est certain, que la donnée est devenue l'élément premier de notre recherche, et qu'avec cette donnée, nous allons pouvoir, en l'organisant, en l'interrogeant, en l'enrichissant par exemple les procédures du web sémantique, on va arriver à une donnée qui va tout naturellement, par cette mise en condition, cette mise en structure, cette mise en questionnement, va ce questionnement, de cette mise en structure, de cette mise en condition, vont sortir les résultats, vont sortir des idées de la nouveauté intellectuelle, vont sortir la résolution de problèmes. Or, le problème, c'est que la donnée, ça n'existe pas. La donnée, ça n'existe pas. C'est pas possible de dire les choses autrement. La donnée en tant que telle, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un texte ? Est-ce que c'est une ligne de texte ? Est-ce que c'est un mot ? Est-ce que c'est un concept ? Est-ce que c'est un concept derrière un concept ? Est-ce que c'est une idée derrière un concept ? Je sais bien, je raciocine, mais quand même, qu'est-ce que c'est qu'une donnée ? Expliquez-moi ce que c'est qu'une donnée. D'où vient la donnée ? Une base de données, c'est en effet un outil extrêmement utile. Le problème, c'est que la base de données crée une information qui elle-même n'existait pas jusque-là. Vous pouvez faire une base de données. Prenons une base de données autour un sujet quelconque, autour de la codicologie. Allez, reprenons ce problème de la codicologie et on part donc de manuscrits en tant que tels et on commence à prendre des informations codicologiques autour de chaque manuscrit. Et on en fait une très belle base de données sur les reliures ou bien sur les réglures. Pourquoi pas ? Chacun ses fantasmes. Le problème, c'est que donc, vous avez, en quelque sorte, l'objet livre la donnée codicologique est une construction pure. Elle est récupérée de l'objet livre dans des conditions qu'il faudra encore pouvoir définir. Elle est récupérée de l'objet livre et l'objet livre n'est plus dans la donnée. Donc ça veut dire que vous allez interpréter les résultats de vos recherches statistiques. Le problème, c'est que cette interprétation est une interprétation qui sera détachée de la réalité du livre lui-même, de la réalité du manuscrit. Et que forcément, là, on ne pourra pas parler d'une donnée complète qui pointerait complètement vers toutes les réalités du manuscrit. Or, la nouveauté en recherche, on le sait bien, ne vient pas de la mise en relation de données dont on se doute bien qu'en les mettant ensemble, on arrive à des résultats, mais de la mise en relation de données dont au départ, on n'avait aucune idée de leur possibilité de relation. À propos desquels, on n'a pas d'idée de leur possibilité de mise en relation, de mise en lien. Le risque avec la création donc de cette donnée, si on peut dire, c'est de n'avoir qu'une donnée partielle. Et surtout, il faudrait la définir. Qu'est-ce que c'est que cette donnée-là ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Est-ce que c'est une source, une partie de la source ? Est-ce que c'est une métadonnée au-dessus de la source ? C'est extrêmement complexe. Je ne vois pas exactement comment on peut définir clairement, pour l'instant en tout cas, ce que c'est que la donnée, ou alors il faudrait qu'on se mette à réfléchir conceptuellement sur ce qu'on met derrière nos termes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les objets documentaires que nous traitons sont pratiquement... on peut trouver, lorsqu'on étudie un objet documentaire, on peut le décomposer en autant de données que l'imagination le permet. Donc, le concept de données me semble mal posé pour l'instant. En tout cas, il n'est pas posé de manière complètement. L'autre grand fantasme, ce sont les big data, les grandes masses de données, qui évidemment font beaucoup rêver, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi ça commence à faire rêver ici. C'est le même principe, c'est l'histoire du chiffre. Là, on est dans le chiffre et tout le problème de l'histoire du chiffre. En sciences humaines, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne jurait que par la statistique et par le quantitatif. On a alors jeté aux orties le quantitatif extrêmement, de manière très virulente, et là, pour l'instant, il revient par la fenêtre. Pourquoi pas ? pourquoi pas faire revenir du quantitatif. Le problème, c'est que ces masses documentaires, ces énormes masses aplatissent la qualité, et là, en l'occurrence, des données, ou la qualité, en tout cas, de l'information de base. Il y a une sorte d'aplatissement de la qualité que vous comprenez bien. La critique a été bien posée, d'ailleurs, dans l'article que j'ai déjà consulté dans Read and Write 2, l'article qui avait été mis en place par je ne sais quel grand auteur parmi vous, mais en tout cas, je suis d'accord avec lui, les critiques ont été bien posées. Le big data, c'est à la fois incontournable et en même temps très dangereux. Il n'y a rien de plus difficile à analyser pour moi qu'une série de chiffres. Vive les métadonnées, très rapidement, parce que là aussi, c'est encore un fantasme. Les métadonnées sont souvent la seule clé d'accès à l'heure actuelle pour bien des documents, pour bien des textes. Le problème, c'est que les métadonnées que l'on utilise actuellement sont très, très faibles. Elles sont, la plupart du temps, les métadonnées, et là, je parle d'expérience, mon expérience d'équipe, j'ai vu les métadonnées qui sont utilisées de manière générale dans les disciplines dans lesquelles je travaille, et il faut bien avouer que c'est un peu triste. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a les plateformes et les métamoteurs, et là c'est évident qu'on peut faire qu'être content qu'elles existent, tout en même temps étant extrêmement prudent, parce qu'elles dépendent de la qualité des contenus qui y sont contenus et de leur qualité de marquage. C'est vrai. Et là, je m'incline devant Stéphane, qui est là. Isidore résout déjà une partie du problème grâce à son système, à son enrichissement sémantique. N'empêche que, et là, je pense qu'il le reconnaîtra avec moi, la qualité des données d'Isidore reste encore très variable. Il y a encore... et le problème, c'est que c'est pas tellement... est-ce que... Dans quelles conditions, c'est une question qu'on peut poser, dans quelles conditions peut-on utiliser Isidore pour la recherche? Comment utiliser Isidore pour la recherche? Alors, oui, évidemment, je suis persuadé qu'on peut l'utiliser pour la recherche, mais il faudrait réfléchir aux façons de l'utiliser en sachant cela. Et comment alors améliorer, par ailleurs, nos trains de métadonnées afin que, justement, ces métamoteurs, ces plateformes soient elles-mêmes encore améliorées. Enfin, les ontologies, là, c'est le problème, le bon vieux problème des ontologies que l'on reconnaît depuis quelques années, que l'on a pris en main depuis quelques années. C'est pas un problème, c'est un fantasme, les ontologies. Parce que, hélas, elles sont extrêmement lourdes et difficiles à mettre en place, complexes à mettre en place, souvent au cas par cas. Moi, je n'ai pas encore vu, pour l'instant, beaucoup d'ontologies fonctionner de manière ample dans nos disciplines. Je dis pas qu'ailleurs, il n'y en a pas. Je dis pas qu'il n'y en a pas non plus. Je dis que, pour l'instant, ce que j'ai vu fonctionner comme ontologie, c'est, il n'y en a pas énormément, et les quelques ingénieurs digital humanities qui s'y collent me regardent souvent avec des yeux effarés quand je leur demande « Alors, quand est-ce qu'on va travailler avec vos ontologies? Quand est-ce que vous nous aidez à les mettre en place ?» Donc là, l'interopérabilité via les ontologies, il faudrait se poser la question de savoir comment ça va évoluer, et surtout, si on n'est pas en train, pour l'instant, de se gaver de mots. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train d'en parler? Moi, j'aimerais qu'on travaille sur des ontologies. Par ailleurs, le risque, c'est celui que je vois apparaître, ce que j'ai vu apparaître dans des laboratoires très proches, où on me parle d'interopérabilité, et on dit qu'il faut développer l'interopérabilité, et je suis le premier à dire, bien sûr, c'est une excellente idée. Et le problème, c'est qu'on part alors par un accès, par mettre en place l'interopérabilité autour, par exemple, des noms d'auteurs, autour des cotes de manuscrits ou de livres, c'est-à-dire des choses qu'on faisait très bien avec des index traditionnels en papier. Donc, des systèmes d'interopérabilité relativement frustres. On peut aller un peu plus loin, on pourrait aller un peu plus loin, mais comment procéder? Moi, le risque, c'est que la pression que l'on a pour l'instant de la part des autorités fait que le retour aux index traditionnels pointe à l'horizon. Ça fait pas un pli, si je puis dire. Enfin, alors là, je vais mettre une grosse pierre dans la mare. Vive les bonnes pratiques! Parce que les bonnes pratiques, c'est en effet une excellente chose, mais en même temps, c'est un élément castrateur total. Alors... Je voudrais bien, en effet, que l'on mette en place ces bonnes pratiques. Ce serait une excellente chose. Le problème, c'est que ces bonnes pratiques, D'abord, il faudra savoir exactement ce qu'il y a derrière, parce que ça aussi un terme dont on se gargarise un peu, il faut l'avouer. Hein. Au-delà du concept de bonne pratique, il y a ce qu'il y a derrière, une organisation, une structure, et cette structure, à un moment ou à un autre, on focalise dessus. On focalise sur l'archivage, je ne dis pas que ce n'est pas important. On focalise sur la structuration, la possibilité de mise en interopérabilité. Et on oublie, ou en tout cas, on ne se positionne pas sur le reste, on ne se positionne pas sur l'innovation conceptuelle, par exemple. On ne se positionne pas en termes d'enrichissement sémantique, on ne se positionne pas en termes de finesse dans l'interrogation, ou simplement en termes de décomposition de cette fameuse donnée. Pourquoi ne faire que des bonnes pratiques? On ne peut pas faire des digital humanities en se cachant derrière des bonnes pratiques. Il faut faire autre chose. Il y a nécessairement un devoir d'audace. Et là, on arrive alors au problème du pourquoi ça coince. Après, qu'est-ce que ça coince? Vous avez vu, hein, c'est marqué. Pourquoi ça coince? Deux éléments essentiels pour moi, pour lesquels ça coince. Parce que je ne veux pas être trop pessimiste non plus. En tout cas, j'essaie de trouver des raisons. Le premier, c'est le poids de l'institutionnalisation. Nous sommes dans une société où on se satisfait des bonnes pratiques parce que on n'a pas le temps de l'innovation. On a les institutions au sens large pèsent sur nos disciplines, nos disciplines de recherche et nos disciplines digital humanities. Ces institutions pèsent de tout leur poids avec des projets, avec des exigences, avec surtout une exigence de résultats rapides et efficaces. Je le vois lorsque je travaille avec des développeurs pour les différents projets qu'on a mis en place, que ce soit à l'IRHT ou à Telma ou ailleurs, le nombre de demandes, le poids des demandes qui viennent de l'extérieur, donc des chercheurs qui eux-mêmes sont sous la contrainte de l'ANR, sous la contrainte de l'ERC, sous la contrainte des grands équipements. Bref, le poids de ces institutions finit par retomber sur les épaules des développeurs et des spécialistes digital humanities, et il faut aller vite, et il faut aller rapidement, et il faut publier quelque chose de correct. Alors soit on fait du PDF et puis on réfléchit, soit on fait alors un peu de TEI light, et puis, on publie. Mais c'est de la TEI light. On ne va pas aller beaucoup plus loin, parce qu'on n'aura pas le temps, parce qu'on n'aura pas la possibilité. Le poids de l'institutionnalisation est terrible. Et il faudrait réfléchir là-dessus. Il faut s'en dégager. Première chose. Deuxième élément, l'accélération du temps. C'est un concept que je reprends au sociologue Hartmut Rosa, qui a publié un superbe ouvrage il y a un an ou deux, je pense, sur le problème de l'accélération du temps qui nous frappe ces dernières années, et ceci depuis le 19e siècle, cette accélération du temps au niveau scientifique et documentaire dont nous ne nous rendons pas compte lorsque André Günthert publie une note disant « Ah, quand même, qu'est-ce qu'on a gagné avec Internet ? Avant, c'était un monde, on n'imagine même pas que ça pouvait exister. » Et c'est un fait. Pourtant, ça fait à peine 15 ans et on a l'impression que c'était un millénaire. L'accélération du temps a pesé de la même façon que sur notre mental, sur notre inconscient. L'accélération du temps pèse sur l'offre de construction de projets, pèse sur les projets eux-mêmes, pèse sur la nécessité de résultats dont je parlais tout à l'heure. On peut mettre en place, je l'ai vu, on peut mettre en place une ANR sans avoir jamais rencontré dans la vraie vie, les partenaires. On peut parfaitement mettre en place un projet de recherche sans avoir rencontré les gens avec lesquels on travaille. Je le sais bien, je l'ai fait. Disait Frédéric Clavert sur Twitter, on est dans du post-postmodernisme, on ne reconceptualise plus la donnée car on n'en a plus le temps ni les moyens, on revient à une situation critique positiviste, contienne, similaire à celle d'avant l'école des annales, utilisant des documents comme autant de carrières de faits, et figeant ces faits en les atomisant, tout simplement. On n'a pas le temps d'aller faire autre chose. On est dans un positivisme si fort que le chercheur parle encore moins qu'avant avec le développeur. Il n'a plus le temps. En ce sens, les digital humanities rejoignent donc non seulement l'esthétique, mais aussi une idéologie steampunk coincée dans un fatras technologique institutionnel, engoncée dans ces cols amidonnés victorien où le mécanicien est roi et les usines à vapeur, pour ne pas dire usines à gaz, refont surface. Le risque n'est pas tant de se fondre dans l'esthétique et dans l'idéologie steampunk, qui est une esthétique de crise, hein, c'est clair. C'est clairement une esthétique de crise, mais c'est surtout de fonder cette idéologie qui prend le pas et qui s'impose, comme naturellement à beaucoup d'entre nous. Alors, que faire? Parce que moi, je ne veux pas vous laisser là tout triste, et surtout, je ne veux pas que vous me jetez trop de tomates après, quand j'aurai fini de parler. J'ai quelques propositions. La première proposition, reconceptualiser les données, et pas seulement avec des balises. Hein, je suis désolé, hein, Lou, mais pas seulement avec des balises. Il faut reconceptualiser les données du point de vue intellectuel sur pièce. Il faut une nouvelle critique. La critique sur laquelle nous nous basons est une critique du 19e siècle, une critique qui date d'un moment tout à fait important de l'histoire, mais qui n'est plus adapté. J'ai la chance de donner un cours de critique historique à des étudiants à l'université en Belgique, qui est pratiquement un des seuls pays au monde, en tout cas en Europe, où on enseigne la critique historique en tant que telle, comme discipline. Et je me rends compte que la critique que l'on enseigne à l'heure actuelle, suivant les vieux systèmes, Langlois et Seignobos, enfin on a un peu dépassé, mais pas beaucoup, elle est complètement à revoir. Et il faut la revoir de manière ouverte et en mouvement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut repenser repenser le donné, ce qu'on nous donne comme information, leur place, leur situation, replacer la situation de chaque donnée dans son contexte, que ce soit du mot jusqu'au corpus, et puis après ça, toutes les déclinaisons du corpus, parce qu'une déclinaison du corpus est un nouveau document en soi. Une nouvelle édition du corpus est un nouveau document en soi. Une base de données crée une nouvelle donnée, un nouveau donné en soi. Chaque fois, il y a la création de quelque chose de neuf. Il faudrait réfléchir à, justement, une mise à plat, une réflexion un peu comme celle que j'avais essayé de faire avec Christophe Jacobs il y a de cela 2 ans pour l'ANR mise en place par Jean-Philippe Genet autour du numérique. La tentative de mouvement critique, mais qui est encore à continuer et à approfondir franchement, notamment parce que le donné ne peut plus être seulement considéré comme un élément que l'on replace dans un contexte avec un avant, un après, un contenu, un contenant, mais aussi le donné, c'est un donné en mouvement. C'est un donné qui est en relation, un donné que l'on doit mettre en relation avec d'autres. Et la relation elle-même est un élément à critiquer, en tout cas le type de relation. Pas les relations, ce serait difficile à critiquer en soi, ce serait surréaliste, mais le type de relation, on devrait pouvoir le critiquer. Donc les relations, la qualité des relations, la force de la relation, la rapidité de la relation, le mouvement induit dans un sens ou dans un autre par la relation, il y a une nouvelle critique documentaire à faire, et je sais que c'est vraiment un gros défi, mais c'est le moment, c'est le bon moment pour le faire. Donc pas seulement, c'est à faire avec des spécialistes digital humanities, on ne peut pas le faire autrement. Et c'est le lieu, à mon avis, où on peut se retrouver. C'est le lieu où on peut se retrouver avec les chercheurs en digital humanities, ça passera évidemment par la sémantisation des données, c'est sûr, mais pour ça, il faudra donc passer par cette reconceptualisation critique. Et le lieu, c'est ce que je vous propose, c'est créer un ou des espaces hors du temps et hors des institutions, pour c'est arriver à sortir de l'institutionnalisation, dédié à l'innovation, comme je dis, presque pour le plaisir. L'idée, c'est réfléchir avec les chercheurs qui le veulent autour de ce nouveau guide critique du donné tel que le chercheur en digital humanities le voit apparaître et tel que le chercheur, lui, de son côté, tente de le mettre en place ou avec ses propres moyens. Donc il y a là un espace de dialogue, et cet espace de dialogue, c'est au niveau de la critique que ça peut se mettre en place. C'est peut-être le lieu idéal pour que quelque chose puisse démarrer, et que justement, on arrive à sortir de cette angoisse, de cette idéologie potentielle, et de toute façon certainement de cette esthétique de crise, qu'est pour l'instant le steampunk. Voilà, j'ai beaucoup parlé, maintenant à vous de me jeter les tomates. Merci. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors moi, je propose qu'il y ait quelques minutes de dialogue avec Paul autour de sa proposition, puisqu'il y a des éléments qui sont provocateurs et en même temps une vraie proposition pour finir. Je trouve que ce serait dommage qu'on ne profite pas d'avoir un moment de discussion autour de cette proposition. Qui veut réagir ? C'est vrai que j'avoue que j'étais peut-être un peu rapide sur certains problèmes de la critique elle-même, mais je suis vraiment en demande là-dessus. Je ne suis pas le seul. Les étudiants eux-mêmes sont en demande. Les étudiants ne voient plus exactement ce que c'est que la donnée ou les données. Là, je suis d'accord, Paul, et merci beaucoup pour cette intervention très provocateur. Il me semble que... Moi, je ne suis pas historien, donc peut-être je me trompe. Mais je crois que la plupart des institutions actuelles, bon, quelques-unes, c'est sûr, ont été fondées dans le passé en réaction à juste ce que tu viens d'évoquer, donc un mécontentement avec l'institutionnalisation de l'OTAN. Donc, n'est-il pas le cas que tu es toujours dans le même sens ? On n'échappera jamais de ces cycles, finalement, de création d'institutions. Ah ben ça, c'est évident. Non, ça, l'institution à la Weber, donc l'institutionnalisation telle que la voit Max Weber, c'est évident. On crée de l'institution. Dès qu'on met en place... Je suis désolé, mais Zatkamp, c'est une institution. Ben, pour l'instant, ça se veut une anti-institution. Donc, il y a toute la rhétorique non-conférence. Tout à fait. C'est une espèce de zone d'autonomie. Le problème, c'est que du point de vue weberien, c'est une institution. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà réussi à se positionner dans le temps avec des structures, avec un cadre, avec un logo. Donc, voilà. Mais voilà, tout est institution. Donc, le problème, et ça, je suis d'accord avec... c'est à la fois une institution et en même temps, ça n'en est pas. Et c'est pour ça à la fois, je suis d'accord avec Lou, et en même temps, il faut s'en distancer. On va créer, forcément, si on crée un espace hors du temps, quelque chose d'autre, on crée quelque chose qui va, si, pour peu qu'on se retrouve un moment ou un autre, même virtuellement, ou simplement qu'on réfléchisse ensemble, ça va s'institutionnaliser sous la forme d'un livre, sous la forme d'une réflexion, sous la forme d'une publication, ou simplement de bons moments, dans tous les cas. Mais ça fait partie du risque weberien des choses. Ce qui, le plus important, je pense, pour moi... mais c'est un avis, évidemment, et seulement un avis, c'est de pouvoir se dégager du poids des exigences d'une institution qui s'est créée avec des objectifs naturels, mais ces institutions qui nous gouvernent, si je puis dire, ces institutions dans lesquelles nous travaillons, nous tentons d'avancer, et qui ont évidemment des exigences... qui sont liés à ces deux grands éléments que je marquais, la rapidité et l'efficacité. Si nous débarrassons de cette idée, on veut à tout prix réaliser vite, avoir vite des résultats et être immédiatement très efficace, alors on risque de réussir, si je puis dire. C'est très idéaliste ce que je propose. Mais si on n'est pas idéaliste, alors ça ne sert plus à rien. Je poserai quelques questions, mais pas du tout comme directeur du TGE à Denis, mais comme historien, puisque je suis historien. Oui, c'est très bien. Bon, globalement, moi, je suis historien des villes. La ville est une institution qui se recompose en permanence. Si elle ne se recompose pas, elle meurt. Donc, il faut que les institutions se reconstituent, se recomposent en permanence. Je ne ferai qu'une petite parenthèse. Si on regarde... le devenir des très grandes infrastructures de recherche et la manière dont on repense au-dessus d'elles leur mission, on est en plein là-dedans. La deuxième question, elle est beaucoup plus petite et d'une certaine manière corporatiste. Ou la deuxième réflexion. Tu as évoqué les chiffres et tu as dit avec des chiffres, on n'a jamais rien démontré. Je suis d'un avis exactement opposé. Et précisément, le numérique nous permet, avec des méthodes de visualisation, de faire des choses totalement différentes, et ça oblige à repenser, alors là, je suis tout à fait d'accord, ça oblige à repenser parce que, effectivement, très souvent, on reste, j'en ai vu comme directeur de labo, des gens qui n'avaient pas encore quitté le 19e siècle. Beaucoup. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que Born Digital, c'est la plupart, même s'ils ont 20 ou 25 ans de moins que moi, des gens que j'ai pu côtoyer dans ma profession, ils pensent qu'avec Word, on fait tout. Donc, c'est pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir aux nouvelles manières de penser, en l'occurrence, là, la recherche historique, en utilisant ces nouveaux outils. Voilà. Pour répondre rapidement sur l'institutionnalisation et le fait qu'une institution se refait, mais ça c'est très bien et au contraire c'est même une excellente chose et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs souvent la refonte de l'institution vient d'une contestation à l'extérieur de l'institution, voire dans l'institution même, et c'est comme ça que ça se met en place. Donc c'est rien d'autre que ça que je propose et que la vie. Voilà. Donc, c'est très bien. Et l'autre chose sur le chiffre, je suis d'accord, on peut quand même faire des choses avec du chiffre. Ce serait malheureux autrement. De fait, je sais qu'il y a énormément d'outils extrêmement efficaces, mais le risque, c'est de se contenter du chiffre. Ce que je mets en avant, c'est le fantasme du big data, simplement, en tant que tel. Non, mais simplement, je pensais au dernier ouvrage de Franco Moretti sur... l'histoire littéraire, où il dit, de façon très provocatrice, arrêtez de lire, comptez. Hein, et son livre, c'est Arbre, Graphe, Carte, je crois. Oui, Arbre, en français, c'est Arbre, Graphe, Carte, ou Glabou. Oui, voilà, Graphe, Arbre, Carte. Bon. Oui, je me souviens. Bon, enfin, passons. Il y a les trois mots. Hein, et il montre bien, d'ailleurs, avec des méthodes, somme toute, que moi, je peux considérer, par exemple, sur la cartographie, comme assez frustres. Mais pour autant, il montre comment ça oblige à repenser les choses. Bien sûr, absolument. Non, mais d'accord, pas de problème. Ce qu'il faut, c'est croiser. Alors, il n'y a pas que les gens du premier et deuxième rang qui ont le droit d'intervenir. C'est aussi des rangs plus élevés, le peuple. Alors, je voulais revenir sur le côté steampunk, qui m'a beaucoup plu. Sur une de tes premières diapositives, tu citais ce passage sur voilà. The Current Scholarly Publishing, etc. J'arrive pas à traduire en même temps, mais voilà. Et je me demandais où était le steam et où était le punk dans tout ça. Quand on lit ça comme ça, on se dit que bon, on a des gens qui amènent leur vieux truc tout poussiéreux et qui les donnent à des gens super pointus. On les voit presque en costume de la NASA, en train de se demander ce qu'ils vont faire avec ces trucs pleins de poussière. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on n'est pas dans un paradigme un peu inverse, où on a des choses qui peuvent être tout à fait à la pointe au niveau intellectuel et qui se confrontent à quelque chose de très vapeur, quoi, de très victorien, de très lourd à mener du côté des digital humanities qui sont quand même en train de faire leur révolution industrielle, en train d'essayer d'avoir des choses intégrées au flot de travail habituel des chercheurs. Et voilà, je me demande, il y a un anachronisme, c'est sûr, mais de quel côté sont les humanités, de quel côté le digital dans cet anachronisme? Tout à fait. Moi, je suis d'accord, on peut poser la question dans les deux termes. On pourrait. La façon dont je l'avais entrevu, la façon dont Andrew Reynard l'avait entrevu, c'était plutôt dans ce sens-là, dans le premier sens. Mais on pourrait en effet envisager les choses dans l'autre sens aussi. Le steampunk est à deux vitesses, ou en tout cas dans deux sens plutôt, à deux sens. Tout à fait. Bonjour, merci pour cette intervention. Je vais donner plutôt pour le point de vue d'un ingénieur, du coup. J'ai entendu beaucoup de questions et de problématiques, mais en fait peu de réponses concrètes sur la question des données. Donc est-ce que ce ne serait pas justement une bonne pratique de définir justement ce qui devrait être la bonne donnée pour les digital humanities et sous ses formes, parce que comme entre le quanti et le quali, il y a probablement un juste milieu qui est celui que vous proposez à la fin sous la forme de laboratoire, comme par exemple le Media Lab à Sciences Po ou ce qui se fait à l'ENS Lyon. Il y a probablement aussi un juste milieu entre le PDF et le TEI. On peut avoir du texte brut, des choses qui soient traitables par les informaticiens et qui pour autant ne soient pas bloquées comme le PDF, qui est malheureusement pas quelque chose qui est gérable pour les ingénieurs justement. Est-ce qu'il n'y a pas justement à définir, à défaut d'une bonne pratique, qu'au moins le respect de bons principes pour l'interopérabilité, justement, entre les ingénieurs et les chercheurs. Mais c'est, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je pense que ce qu'il faudrait vraiment, c'est au-delà des formats, au-delà de ces problèmes que j'ai soulevés, il faudrait vraiment se poser la question de qu'est-ce que c'est, et peut-être que je n'ai pas été assez clair là-dessus, qu'est-ce que c'est que c'est ce donné que nous avons ? Avant même d'essayer de le formater ou de le mettre dans un format, je voudrais simplement qu'on réfléchisse, et c'est quelque chose que tout le monde attend et qui permettrait à la communauté digitale et humanité de savoir jusqu'où aller plus loin et peut-être alors arriver à choisir ces bonnes voies, si on peut dire. Mais avant de choisir les bonnes voies, il faut d'abord savoir ce sur quoi on travaille. Et pour l'instant, moi, ça fait des années que je ne vois toujours pas cette réflexion se mettre en place. Pas parce qu'il n'y a pas de volonté, mais parce qu'on a une pression énorme sur les épaules qui fait qu'on n'a pas le temps de se mettre à cette réflexion. Et ce que je propose, c'est un non-laboratoire, en quelque sorte. Ce n'est pas un laboratoire, c'est un non-laboratoire, un peu dans la même lignée que les AdCamp, c'est l'idée d'un espace hors du temps, hors de l'institution, même si c'est un fantasme, en tout cas, je veux y croire, et dans lequel, justement, on est tenté de réfléchir à cette... à se donner. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et puis alors, au-delà, aller plus loin et aller vers les choses que tu indiques, vers ces problématiques que tu indiques. Okay. Vous allez avoir la parole pour Stéphane et la parole pour Frédéric. Je serai très rapide. De toute façon, je suis principalement d'accord avec ce que tu as dit tout au long de ton exposé. Ce n'est pas tellement une surprise. Sur les données, sur cette problématique autour de la donnée, je pense qu'il y a... je suis assez d'accord sur l'idée du non-laboratoire et d'avoir un espace à la fois de discussion et de réflexion qui se réunisse à intervalles réguliers. Alors le problème, c'est que dès qu'on va le réunir à intervalles réguliers, on va l'institutionnaliser. Eh oui. On sera toujours, je pense, obligé un peu de passer par quand même ce genre de choses. Mais je pense que c'est essentiel parce que la question des données et de la capacité que les chercheurs ont à structurer des données, les malaxer pour les réutiliser, c'est lié à un besoin qu'il faut qu'on arrive à faire émerger et à, on va dire, carrosser sur le plan de la formation. Pour que on ait à tout point du territoire, dans tous les laboratoires, à un moment donné, quelqu'un qui dit attention, je dois me préoccuper de la réflexion sur les données. Mmh. Et là où je te rejoins, c'est que la pression institutionnelle empêche est un couvercle qui tombe là-dessus. Et c'est très important de lever ce couvercle pour redonner de l'air et retrouver en fait du temps pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les données et comment on va faire ce qu'on a envie de faire avec les données que l'on a à disposition. Ça me semble essentiel et je pense qu'il faut arriver à trouver une solution à ce non-laboratoire. Je souscris à cette idée de non-laboratoire ou de laboratoire virtuel qui permettrait ce temps-là. La dernière chose que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a plus terre à terre. Je pense qu'il y a quelque chose à inventer pour que les collègues qui utilisent des bases de données, je veux dire de façon générale, quel que soit le format, je me positionne pas en termes de format ou de logiciel utilisé, mais qui utilisent les bases de données arrivent à se mettre dans la position que ils sont toujours dans une position de chef de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage, au sens où il faut qu'ils soient capables de modéliser rapidement une base de données, mais qu'ils aient conscience qu'à un moment donné, il faut qu'ils fassent appel à d'autres personnes pour faire le travail. Parce que eux, ça sort de leurs compétences, en fait. Et c'est la notion de relation. C'est-à-dire, à quel moment je vais passer le témoin, je vais aller chercher des gens qui vont être, qui sont pas dans mon domaine, qui sont pas historiens, qui sont pas dans le monde académique à la limite, et je vais aller les chercher parce que eux ils savent faire, ou ils savent faire autre chose que moi je ne sais pas faire, et que la tension qui va s'installer, la discussion qui va s'installer entre eux et le chercheur, c'est de ça que va en fait naître l'innovation. Et il y a un travail à faire auprès des collègues historiens, géographes, du monde académique en sciences humaines et sociales, pour que les historiens, les géographes, tous ces gens-là soient des chefs de projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'ils savent faire une partie du travail très bien, mais qu'à un moment donné, ils aient conscience qu'il faut aller chercher quelque chose ailleurs. Je ne peux faire qu'être d'accord avec toi, je peux être qu'à d'accord avec toi, c'est évident. Sur le problème, sur les deux choses que tu as fait remarquer, le premier, c'est pour le non-espace, ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il faut qu'on relance une démarche. Je sais bien que le terme d'innovation est très connoté, et même par certains côtés politiquement très correct et en même temps pas du tout intéressant. Mais derrière le concept d'innovation, il y a la recherche qui par nature tend toujours d'aller plus loin. Donc l'idée, c'est de relancer une démarche assez audacieuse, parce que je trouve qu'on en manque un peu ces derniers temps. La seconde chose, sur le problème alors très très concret... Ça, c'est une réalité auquel on est malheureusement souvent confronté. C'est ce problème du contact entre les métiers, ce contact entre les métiers et savoir à quel moment, plutôt faire en sorte que le chercheur comprenne qu'un ingénieur digital humanities n'est pas là que pour publier un corpus, mais qu'il est là pour accompagner la création d'un corpus, du début à la fin. Et ce n'est pas au directeur de corpus que je vais dire le contraire, ou je lui dirai n'importe quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner. Mais quand cette idée d'accompagnement sera passée dans les mœurs, alors là, les problèmes seront presque résolus, presque. Bon, ma remarque, ma question, du coup, était un peu... vider ton sens par Stéphane, mais juste une simple question. Concrètement, non-laboratoire, c'est quoi ? Comment on l'organise ? Enfin, on ne l'organise pas, c'est un non-laboratoire ? Ouais. Ou... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, sur la façon dont ça se ferait, j'ai aucune idée. Sur ce qu'on y ferait, ça, j'ai une petite idée. L'idée que j'ai, c'est de se retrouver d'abord autour simplement de nos données. Là, ce que nous entendons par données, chacun. Et puis d'aller plus loin en mettant les choses à plat, en essayant de décortiquer les réalités face auxquelles nous nous trouvons, et tout en essayant de les raccrocher avec les projets dans lesquels nous sommes, essayer de trouver des points de convergence, des points de ralliement. Et c'est une démarche très philosophique, hein, c'est une démarche très intellectualisante que je propose là. Vous savez bien que la digital humanities, c'est une approche philosophique de la donnée. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas bien autre chose. En tout cas, vous faites, pour la plupart, vous avez tous une démarche très, sinon philosophique, au moins spiritualisante de votre travail. Donc, il y a une approche à avoir, une vision presque philosophique des choses. En tout cas, essayer de se poser des questions sur les données du réel ou du non-réel que nous rencontrons, et essayer de les classer, de les organiser, de les répertorier, non pas à la façon de l'inné, mais dans une perspective de structuration sémantique. Voilà. Sémantique, matérielle éventuellement, documentaire, c'est à décliner. Moi, je lance les choses, mais tout est à construire. C'est ça qui me semble important. Une question bête, un atelier demain là-dessus ? Pourquoi pas ? Bah, oui, je crois que c'est une belle proposition pour un atelier. Oui, mais c'est ce que j'avais en tête en arrivant aussi. Mais ben voilà, donc c'est réalisé. Tu attendais les tomates ou pas ? Ben non, tu n'auras pas les tomates, tu auras l'atelier. Ah, ben c'est sympa. Juste deux. Merci beaucoup, Paul, pour cette intervention stimulante. Hein, et vous voyez qu'il lance pas mal les débats. Moi, je voudrais dire juste deux choses. La première, c'est que je suis vraiment très content de voir que ces préoccupations pour une démarche plus réflexive, en fait, les plus critiques sur ce que sont les digital humanities, la manière dont ce domaine est en train d'évoluer, recoupent beaucoup de ce qu'il y a dans le Read Write Book 2 que vous avez tous reçu. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas commencé à le lire, qu'il y a beaucoup de textes qui ont été choisis pour cette dimension-là, c'est-à-dire à la fois réflexive et critique sur ce que deviennent et ce que, la manière dont sont en train d'évoluer sous tout un tas de pressions, effectivement, les humanités numériques. Et je pense que c'est une démarche qui est vraiment importante et je suis vraiment ravi qu'on la partage. La deuxième chose, c'est que je peux annoncer que si les gens qui sont dans les digital humanities ont découvert le steampunk grâce à Boulet, il faut savoir qu'il y a une demi-heure, Boulet a découvert les digital humanities grâce au deuxième ZADCAM de Paris et en particulier à Rémi Matisse, qui doit être quelque part, qui l'a tweeté. Et donc, il y a une réponse de Boulet. Donc, tout va bien. Très bien. Moi, j'espère qu'on ira boire un verre. Je vous donnerai des nouvelles. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous.